Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous voici arrivés à la leçon 16. Notre phrase clé aujourd'hui est... Veuillez monter les escaliers et tourner à droite. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Aujourd'hui, Anna se rend avec des amis dans une librairie de Shinjuku. Écoutons le sketch de la leçon 16. Voici la phrase clé du jour. Veuillez monter les escaliers et tourner à droite. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか ?2階です。階段を上がって右に行ってください。 Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Un vendeur dit いらっしゃいませ。 Puis-je vous aider? Littéralement, bienvenue. C'est une expression utilisée pour accueillir les clients dans un magasin. Quand on entre dans un magasin ou un restaurant, les employés vous accueillent en disant « Irashaimase ». Mais nous n'avons pas à répondre, n'est-ce pas? Non. Sourire et s'incliner suffit. Lorsque vous prononcez « Irashaimase », faites une légère pause après « la ».« Irashaimase ». Anna demande au vendeur « manga uriba wa doko desu ka ?»« S'il vous plaît, où se trouve le rayon des mangas ?» Anna aime beaucoup les mangas japonais. C'est pourquoi elle demande d'abord où se trouve le rayon des mangas. Ano signifie « s'il vous plaît ». On l'utilise lorsque l'on s'adresse à quelqu'un. Manga uriba signifie « le rayon des mangas ». C'est la combinaison de manga ou bande dessinée et de uriba rayon. Wa est la particule indiquant un sujet. Doko signifie ou des est une façon polie de terminer une phrase. Cette phrase est une question puisqu'elle se termine par ka. Alors assurez-vous de la prononcer en haussant l'intonation. Adrien, j'aime beaucoup le rayon aliments des magasins. Alors je voudrais savoir quoi dire pour demander où se trouve le rayon des aliments. Voici une piste. Aliments se dit shokuhin. Donc je peux dire shokuhin uriba wa doko desu ka? Parfait, Mélanie. Retournons au sketch. Le vendeur répond Nikai desu. Au deuxième étage. Nikai signifie deuxième étage. Il est composé du nombre ni, deux, deuxième, et de kai, étage. Des est une manière polie de conclure une phrase. Comment dit-on le premier étage? Un se dit ichi, alors il faut dire ichikai? Vous avez presque raison, Mélanie. La bonne réponse est Ikai. Ichikai est difficile à prononcer. C'est pourquoi on dit Ikai. Ikai. D'accord, je vais m'en souvenir. Retournons à notre sketch. Le vendeur explique où se trouve le rayon des mangas. Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Veuillez monter les escaliers et tourner à droite. C'est la phrase clé aujourd'hui. Kaidan signifie « escalier ». O est une particule qui indique l'objet d'une action. Agatte est la forme en T du verbe agarimasu, monter. Avec la forme en T, vous pouvez exprimer plusieurs actions se produisant de manière successive. Ainsi, Anna ferait quelque chose d'autre après. Oui. Poursuivons. Mini signifie « droite ». Ni est une particule qui indique une direction. Est la forme en T du verbe ikimasu, aller. En ajoutant kudasai, s'il vous plaît, au verbe de forme T, vous exprimez une demande. De cette façon, on peut exprimer l'action de monter les escaliers et celle de tourner à droite dans la même phrase, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez d'abord monter les escaliers et ensuite tourner à droite. Pour lier ces deux actions, il s'agit d'utiliser agatte, la forme en T du verbe agarimasu. Monter. Voici maintenant une question pour vous, Mélanie. Comment diriez-vous « vous montez au cinquième étage et ensuite vous tournez à gauche » À gauche se dit 左. Le cinquième étage, c'est 5階. La forme en T du verbe agalimas monter est agatte. Donc, je dirais 5階 ni agatte, 左 ni ikimas. J'ai raison? Tout à fait. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 16. Notre phrase clé aujourd'hui est 階段を上がって右に行ってください. Veuillez monter les escaliers et tourner à droite. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか ?2階です。階段を上がって右に行ってください。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Utiliser la particule ni n'est pas simple. Elle indique un endroit ou une direction et sert à beaucoup de choses. Dites-nous comment l'employer. Posons la question à notre professeur. Si le verbe dans la proposition exprime l'existence, comme dans le cas de être, exister, ni indique où quelque chose se trouve. Par exemple, je suis à la gare se dit Si le verbe dans la proposition exprime un mouvement ou un changement, comme dans le cas de aller, ni indique le point final du mouvement. Par exemple, je vais à la gare se dit ni indique également un moment précis, tel qu'une date ou l'heure. Si on dit par exemple Anna vient à 10h, en japonais, 10h c'est 10時. Venir se dit 来ます. On dira donc Anna wa 10時に来ます. On ne peut pas employer ni avec des mots tels que demain ou la semaine prochaine, puisque les dates précises auxquelles ils font référence peuvent changer selon le moment où l'on parle. Donc, si vous souhaitez dire Anna viendra demain, demain se dit 明日. Donc, vous dites Anna wa 明日来ます. Vous ne pouvez pas dire Anna wa 明日 ni 来ます. Ni a également de nombreuses autres fonctions. Apprenons-les au fur et à mesure que nous les rencontrons. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est le bruit que fait une personne en montant les escaliers. Le mot descriptif est le suivant. Tom-tom. C'est quelqu'un qui frappe à la porte, non? Oui. On exprime également ce son ainsi. Tom-tom. Ensuite. Eh bien, c'est quelqu'un qui coupe quelque chose sur une planche à découper de cuisine, n'est-ce pas? C'est bien ça. On exprime également ce son de la façon suivante. Tom-tom. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir... Tom-tom. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique, les tweets d'Anna. Au Japon, les vendeurs dans les magasins sont gentils. Ils sont également polis. Ils disent merci beaucoup, même si l'on sort sans avoir rien acheté. Avez-vous apprécié la leçon 16? Notre phrase clé aujourd'hui était... 階段を上がって右に行ってください. Veuillez monter les escaliers et tourner à droite. Dans notre prochaine leçon, nous verrons si Anna est capable d'acheter des mangas. Ne manquez pas cette leçon.